corps cassé par la détresse. Une rue déserte qui te sent seul, à la recherche d'un peu de tendresse. Au fond de la nuit, tu t'es perdu. Le dernier verre était de trop. Beaucoup de chagrin, dernier salut. Ton corps se couche dans le caniveau. Adieu la nuit des mauvais jours. Tu sors ton flingue, une dernière balle. Tu quittes la vie, c'est pour toujours. C'est ton chagrin que tu emballes. Tu rejoindras la fosse commune avec les gens sans importance. Dernière caresse, c'est la pleine lune. Ton corps est froid, adieu la chance. Te pleurer et pas de fleurs au-dessus du trou. Tu as vécu sans exister. Tout le monde te prenait pour un fou. Tu te souviens des Rolling Stones, le rock'n'roll en overdose. Ils nous gueulaient Satisfaction. On leur répondait Peace and Love. De pleurer et pas de fleurs au-dessus du trou. Tu as vécu sans exister. Tout le monde te prenait pour un fou. Tu te souviens des Rolling Stones, le rock'n'roll en overdose. Ils nous gueulaient Satisfaction. On leur répondait Peace and Love.